إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit بإذن الله بعون الله عز وجل l'explication, la traduction du livre intitulé القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد بن الصالح محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. On est toujours à la quatrième règle concernant donc les preuves des noms et des attributs. On est toujours sous ce grand chapitre. Et on a vu que le Shir avait cité ensuite quatre règles concernant. Et on est donc sous la quatrième règle. Il faut bien rappeler les derniers cours, on est sous la quatrième règle. Et sous cette règle-là, le Shir, il avait mis en évidence les groupes qui se sont écartés de la compréhension des noms et des attributs, ou de la compréhension plus précisément des preuves relatant des noms et des attributs. Et on était donc au troisième groupe, le dernier groupe, qui sont Ahl-Tartil, ceux donc qui ont renié les noms et les attributs d'Allah Azzawajal, ou qui ont relié les attributs sans les noms, ou qui ont renié une grande partie des attributs, suivant donc les sectes. Al-Kulli-Hal, tous ils se rejoignent au moment où ils ont, que ce soit pour un grand nombre d'attributs, pour tous les attributs, ou pour les noms, ils se sont donc réunis autour de At-Tartil, autour donc de ce qu'on appelle At-Tartil, et qui est en vérité le Nafi, que l'on peut dire, que l'on peut traduire également par un Nafi, qui est donc le fait de renier les noms ou les attributs d'Allah Azzawajal, ou alors les attributs sans les noms, etc., suivant donc les différentes sectes qui se sont écartées et qui font partie d'une al-Tartil. Le Shir, comme il avait fait au deuxième groupe, il réfute leurs croyances et refute comment ils se sont comportés envers les textes et les preuves relatant des noms et des attributs. Et donc cette réfutation elle repose sur plusieurs aspects. Et donc on était au sixième aspect, le wajh sadis. Et le wajh sadis, c'est-à-dire le sixième aspect dans cette réfutation, cette wajh, c'est-à-dire cet aspect-là, il comprenait plusieurs parties. Parce qu'ici on est rentré dans ce qu'on appelle la wazim. C'est-à-dire que le fait que vous reniez les attributs d'Allah Azzawajal, alors à ce moment-là, ça va impliquer plusieurs choses, ce reniement. Et ces implications sont nombreuses. Et donc, le Shir nous en a cité plusieurs. Et parmi donc ces implications, ce que ça impliquait, et bien entendu, c'est des implications qui sont fausses, qui sont nulles. Parmi ce que donc ces implications, il y en avait plusieurs, et c'était le Shir, et on s'arrêtait à Al-Khamis, c'est-à-dire à la cinquième. Donc c'était pour faire un récapitulatif pour bien s'y retrouver dans ce qu'on a étudié précédemment. Shir Ali, rahimahullah, Khamisan. أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجب وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله إلى الله مجاز إنه لا ينزل لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عنده. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ce que ça va impliquer, le fait de renier ses attributs, ça implique que l'on va permettre de réfuter ce qu'Allah Azzawajal a attribué et ce que le prophète Sam a attribué sous le droit de son Seigneur. À titre d'exemple, dans le verset qu'il a cité, وَجَاءَ رَبُّكَ, dans ce verset qui est clair, وَجَاءَ رَبُّكَ, et ton Seigneur viendra. Donc ici c'est Al-Maji. On a vu ici, l'attribut c'est ici بِالْفِعْلِ, Al-Fi'l, qui est ici le verbe ja'a, wa ja'a rabbuka. Donc ici c'est bien al-maji, comme on l'avait déjà expliqué. Donc Al-Maji, c'est le fait qu'Allah Azzawajal vienne, c'est la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Ce que ça implique, leur croyance à eux, c'est qu'on doit donc renier cela dans le droit d'Allah Azzawajal, qu'il est permis de renier cela, même si Allah l'a attribué. De même pour ce qui est de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fil hadith al-muttafaqun alayhi, yanzihu rabbuna ila samai dunya. Notre Seigneur donc descend au ciel de cette vie d'ici-bas. Ça implique donc qu'on a la croyance qu'il ne descend pas. Et donc il est permis de renier ce qu'Allah Azza wa Jalla l'a attesté pour lui-même. Car nous dit le Cheikh, لِأَنَّ إِسْنَادَ الْمَجِيِّ وَالنُّزُولِ إِلَى اللَّهِ مَجَازٌ عَنْدَهُمْ. Il nous dit donc, car le fait d'avoir annexé Al-Maji, la venue, ou Al-Nuzul, la descente d'Allah Azza wa Jalla, à Allah, donc l'annexion ici de ces attributs à Allah, on a vu ici, pour les deux, c'était des verbes, waja, wayanzil. Donc l'attribut de ces verbes-là, l'annexion de ces verbes-là, à Allah Azza wa Jal, c'est au sens figuré, près d'eux. C'est au sens figuré. Wa adhara alamati al-majazi indal qaili nabi sihatun nafi. Wa nafi ma athbatahu Allah wa rasuluhu min abtal al-batil. Wa la yumkinu l'infikak, wa la yumkinu l'infikaku anhu bi ta'wilihi la amrihi. Li'annahu laysa fi siyaq ma yadullu alayhi. Donc le shi'a nous dit que bien entendu, lorsque auprès d'eux, ils utilisent ce procédé qui est donc de dire que l'annexion ici de ces verbes-là à Allah Azza wa Jal, c'est tout simplement Mimbab al-Majaz, c'est tout simplement au sens figuré. À partir de là, lorsqu'on dit que c'est au sens figuré, alors il est permis de les renier, de renier donc l'attribut qu'Allah Azza wa Jal a testé pour lui-même. Et bien entendu, comme il dit le Cheikh, le fait de renier ce qu'Allah a attribué, son prophète également, min abtal al-batil, n'est pas plus faux que cela. Et on ne peut en réalité revenir à ce qu'ils ont dit, à ce qu'ils ont dit eux. Car si on regardait maintenant les versets, ou le verset, l'exemple qu'il nous a donné, le hadith, on voit bien que dans le premier verset, wa ja'a rabbuka, on voit bien que le siya ici, c'est-à-dire donc, comment le texte il est exposé, le contexte du texte ne prête aucunement à affirmer que cela fait partie du majaz, du sens figuré. Aucunement. Car la phrase ici elle est plus que claire. وَجَاءَ رَبُّكَ. Il n'y a aucun majaz dans cela. Il n'y a aucune place au sens figuré. De même, يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. Il n'y a aucune place également au sens figuré. Se cacher derrière ce procédé linguistique Al-Majaz, et donc le sens figuré, c'est strictement hors sujet pour ce qui est de ces textes-là. Et c'est pour ça que, parmi les savants qui ont réfuté tout Majaz sur le Coran, qui ont réfuté tout sens figuré dans le Coran, comme l'imam Shankiti, rahmallah, qui disait qu'il n'y a pas de Majaz dans le Coran. Pourquoi? Parce que si on disait qu'il y avait du Majaz, Al-Majaz sur le Coran, c'est-à-dire le sens figuré dans le Coran, alors ça impliquerait que l'on peut nier ou renier des sens du Coran. Et ici, le sens apparent de ces versets, ou de ce verset, de tous les autres versets qui sont en relation avec les sifat, comme ce verset, Waja Rabbuka. Donc il n'est pas possible que l'on refute à partir de cela, c'est-à-dire à partir de cette fausse argumentation, cette argumentation qui est nulle, et de dire donc que c'est au sens figuré. Et comme le dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, comme on l'a expliqué, ou comme l'a expliqué le Cheikh Rahimullah au début de ce chapitre-là, il a bien dit que pour ce qui était donc des termes, ce n'est pas une question de majaz, de sens figuré. C'est une question de comprendre le terme suivant le sens et suivant donc le contexte où il a été désigné, où il a été utilisé. Comme par exemple, Esari al-Qariya, le fait de demander à la ville, ils ont dit ça fait partie du majaz. C'est-à-dire demande la ville. On ne demande pas à la ville. Comme dans le verset du Coran. On ne demande pas à la ville. Mais nous, on a vu que ça n'a rien à voir avec le majaz ici. Ça n'a rien à voir avec le sens ou avec le sens figuré. Mais qu'ici, tout simplement, comme on l'avait vu dans les débuts des cours, que Al-Qariya, il prend plusieurs sens. Que le Qariya, le terme en lui-même, il prend plusieurs sens. Parfois, il veut dire les murs ou les habitations. Ce qui fait partie de la ville, qui est les habitations, et dans d'autres moments, ça a pour signification les gens, Ahlul Qariya, donc ceux qui y habitent, les habitants. Donc par moment les habitants, par moment l'habitation, comme ça l'est connu dans la langue arabe, pour ce qui est de ce terme-là. Donc il n'y a pas de place au sens figuré ici. C'est tout simplement une question de comprendre le terme et ce que lui il indique suivant le sens ou suivant le contexte où il est placé. Et donc à ce moment-là, il prend son sens. طيب. Ensuite, le shérif dit ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية أثبتوا ما أثبته بحجة أن العقل يدل عليه ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. Donc ici le shir, il va nous rappeler les différentes sectes qui sont égarées en ce qui concerne les noms et les attributs. Et qu'ils, comme il dit le shir, ils ont placé donc une règle qui va être constante et qui va s'appliquer à l'ensemble des attributs d'Allah Azzawajal. Fi jami' al-sifat, c'est le mu'tazila. Aou ta'adda ila al-asma, ou alors ceux également qui ont appliqué cela jusqu'au nom. Et c'est bien entendu al-jahmiya, sont Al-Jahmiya, qui ont réfuté non seulement les attributs, mais également tous les noms d'Allah Azzawajal. Wa minhum man tanaqaba fa athbata ba'd as-sifat dun ba'd. Et ceux également qui se sont donc contredits. Ceux qui ont attribué à Allah Azzawajal certains attributs et qui ont donc renié d'autres attributs. À titre d'exemple, Al-Asha'ira ou Al-Maturidiyya. Donc eux, Al-Asha'ira, donc on a vu Al-Jahmiya. On a vu également Mu'tazila. La troisième secte connue, c'est Al-Asha'ira, également Al-Maturidiyya. Et donc, eux, ils ont attesté certains attributs pour preuve que Al-Aql, c'est-à-dire la raison, indique donc ces attributs. Et ils ont renié d'autres attributs, car pour eux, la raison n'accepte pas, ou réfute, ou renie ses attributs, ou alors n'indique pas ses attributs. Donc on voit bien ici dans tous les cas qu'ils ont placé donc al-aql, la raison, qabl al-naql, avant même donc les textes. Ils ont donc mis en avant leur raison. Et quand on dit leur raison, al-aql, c'est leur raison à eux. Leur raison à eux. Car le chef va nous démontrer à titre d'exemple que les attributs qui sont attestés par Allah Azzawajal, et que eux ils ont renié, des attributs que l'on peut attester également par bil-aql, c'est-à-dire par la raison, pour donc prouver leur fausse méthode dans la compréhension des textes concernant les noms et les attributs. Donc al-Ash'ari'a, lorsque dit al-Ash'ari'a ou al-Ash'ariya, ou alors ce terme est en relation avec Abu al-Hassan al-Ash'ari, rahimahullah. Cette personne donc, ce savant de l'islam qui s'appelle Abu al-Hassan al-Ash'ari. Et pour ce qui est de Abu al-Hassan al-Ash'ari, donc c'est de lui que vient cette méthode qui était ensuite, ou ce minhaj, cette méthode qui était ensuite utilisée et adoptée donc par ses adeptes. Il faut savoir pour ce qui est de Abu al-Hassan al-Ash'ari qu'il a eu trois grandes périodes ou trois phases dans sa vie. La première phase de sa vie, c'est qu'il était un mu'tazilite. Il était sur le minhaj des mu'tazila durant plus de 40 ans. Durant plus de 40 années. Et après avoir, inshallah, avec sincérité, étudié les livres de Al-Sunnah et compris réellement ce qu'était la voie de Al-Sunnah, il s'est repenti. Il s'est repenti de ce minhaj-là, le mu'tazila. Et donc un jour, Fisalat al-Jumu'ah, durant la prière du Jumu'ah, il est monté sur le minbar et devant tous les gens, il a réfuté al-Mu'tazila, c'est-à-dire donc le minhaj de Mu'tazila, wa a'lana, il a donc déclaré devant tout le monde qu'il délaissait ce minhaj-là. Mais ce qu'il a fait, Abu al-Hassan al-Ash'ari, ça c'était ensuite la deuxième phase, il a ensuite pris la science et étudier chez une personne qui lui en réalité, même s'ils se disent Ahl Sunnah, il avait une autre croyance Ahl Sunnah, et qui est Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. C'est pour ça donc qu'il vient de la secte également Al-Kullabiyya. Al-Kullabiyya, Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Donc il a étudié auprès de lui Et c'est à partir de là donc que lui, en étant en désaccord avec certaines des croyances d'Ibn Kullab, il a donc lui mis en place une autre croyance pour ce qui est des noms et des attributs, une autre méthode dans la compréhension des noms et des attributs. Et c'est celle donc qu'on a citée ici. C'est-à-dire qu'ils ont ensuite attesté des attributs que l'aql, que la raison reconnaissait, ou que leur raison, plus précis, que leur raison reconnaissait. Ils ont délaissé les autres attributs que leur raison ne reconnaissait pas, ou alors ne leur indiquait pas, ou alors reniait. Et ça donc, c'était vraiment le minhaj de Abu al-Hassan al-Ash'ari. D'où vient ce terme al-Ash'ariya, ou al-Ash'ariya. Et ensuite, c'était la dernière phase de sa vie, c'est que Abu al-Hassan al-Ash'ari, il s'est ensuite complètement remis à la croyance des gens de la Sunna. Et parmi l'un de ses derniers livres qu'il avait écrit, et qui est Kitab al-Ibana, il dit et il déclare de manière solennelle dans son livre que il est à la madhhab d'Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal, qu'il est donc sur le chemin de Ahmed ibn Hanbal pour ce qui est donc de la croyance, et plus précisément ainsi des noms et des attributs. Et il est mort donc sur cela, en étant donc sur le madhhab d'Ahmed ibn Hanbal, qui est bien entendu un des madhhabs d'Ahl al-Sunnati wal Jama'a, comme les autres madhhab, comme le madhhab de l'imam Al-Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, pour ce qui est de la croyance. Ça donc, c'est les trois phases de la vie d'Abu al-Hassan al-Ash'ari, et c'est au bout de, ou c'est durant sa deuxième phase, lorsqu'il est devenu lui-même donc un enseignant, qu'il a enseigné cette voie-là qu'il avait pris de l'Ibn Kullab, en faisant, on va dire, quelques changements. C'est à ce moment-là donc que les élèves ensuite, ils ont eux propagé, que les élèves eux d'Abu al-Hassan, ils ont propagé cette croyance. Mais lorsqu'il est revenu de Abu al-Hassan, eux, ils sont restés sur cette croyance-là. Ils sont restés, eux, sur cette croyance-là. Donc c'est pour ça, donc, qu'il est resté donc ce nom, le nom de cette secte-là, pour désigner Al-Ash'ari'a jusqu'à nos jours. Le cheikh va nous dire, rahimahullah, « Fanaqul lahum nafyukum lima nafaytumuhu bi-hujjatin » بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي كما هو ثابت بالدليل السمعي. Donc le cheikh nous dit نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه. C'est-à-dire donc le fait que vous ayez renié, bien entendu ici les attributs ou certains attributs d'Allah Azza wa Jalla, bihujja, avec preuve, ou suivant la preuve que l'aql, c'est-à-dire donc la raison, n'indique pas ses attributs. Il nous dit le shirk, yumkinu ithbatu bittariq al-aqli alladhi athbattum bihi ma athbattumuhu kama huwa thabitun bid-dalil as-sam'i. Donc il nous est possible, ces attributs que vous avez reniés, il nous est possible, nous, de les attester également bittariq al-aqli, également donc par la voie de la raison. C'est par cette voie-là, par la voie de la raison, que vous avez, vous, attribué à la diasbatum bima asbatumu kama wa thabitum. C'est-à-dire, c'est par cette voie-là que vous avez attribué les autres attributs que vous voyez qui est donc en conformité avec votre raison. Il nous dit, مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها. أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات وصف دليل على الإرادة ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم وهذا محال في حق الله تعالى وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسر الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. Donc ici le cheikh dit, il va nous donner un exemple. Eux, ils ont attesté sifat al-irada. Al-Ash'ari'a yuthbitun sifat al-irada, c'est-à-dire donc ils ont attesté l'attribut de la volonté. On a fait sifat al-rahma, et ils ont renié l'attribut de la miséricorde. Ils ont dit, car pour ce qui est de cet attribut, on le retrouve dans les textes, donc le verset qui nous a cité, وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Mais Allah fait ce qu'il veut. Donc ici, ma yurid, qui est l'irada, ici donc le al-fi'l, ma yurid, taïb, ça c'est la première chose. Et pour ce qui est donc de al-aql, donc ça c'est pour le texte, al-sama. Pour ce qui est de al-aql, il dit le shir, car la divergence que l'on retrouve chez les créatures, et qu'Allah Azza wa Jal donc a donné des particularités, certaines particularités à d'autres, dans leur entité, ou alors dans leurs caractéristiques. Et bel et bien une preuve de l'irada, de la volonté. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a voulu que cet être-là soit formé de cette façon-là, et que d'autres êtres soient formés d'une autre manière. Taïb, ça c'est une preuve, de par notre âme, de par la raison, qu'Allah Azza wa Jal a bel et bien irada, il a bien une volonté. Ça, bien entendu, c'est ce qu'ils ont au mafbatu, comme l'ont fait Al-Sunna. Mais Al-Sunna, qabla kulli shay, avant toute chose, Al-Sunna, car ils ont attesté de par le texte même. Voilà qu'Allah yaf'alu ma yurid, et d'innombrables autres versets du Coran. Par contre, pour ce qui est de Al-Rahma, Al-An, Al-Rahma, eux, ils l'ont renié, car ils ont dit que si nous attestons la miséricorde, la clémence en droit d'Allah Azzawajal, cela a impliqué l'inarrahim, c'est-à-dire la douceur de celui qui fait acte de miséricorde. وَرِقَّتَهُ لِلْمَرْحُومِ, et donc également ici ce qu'on peut traduire par le riqqa ou l'in, qui sont des termes proches, on traduit par la douceur, etc. Douceur donc par rapport à ceux à qui il a été fait clémence. Et ils ont dit donc ça c'est impossible en droit d'Allah Azzawajal. Et bien entendu, ils ont ensuite interprété les preuves que l'on retrouve dans le Coran et qui attestent bel et bien la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et ils ont dit wa awwalu al-adillati as-sam'iyya al-muthbita lir-rahma ila al-fi'l aw iradati al-fi'l. C'est-à-dire que ils ont interprété cet attribut-là par l'acte, ou alors la volonté de l'acte, et qui ici, al-ni'ma, qui est donc le bienfait. Fafassaru al-rahim bil-mun'im. Donc ils ont donné l'explication du nom d'Allah Azzawajal al-rahim, donc le tout miséricordieux, ou le très très miséricordieux, bil-mun'im. Par celui donc, al-mun'im, celui qui fait le bienfait. Aw murid al-in'am, ou alors celui qui veut le bienfait pour ses créatures. Comme ça, ils l'ont expliqué. Et donc par là, ils n'ont pas donner la vraie valeur, ou alors ils n'ont pas donné le vrai sens à Ar-Rahman. Et ils ont en réalité refuté cet attribut Ar-Rahma. Et ils ont dit que Ar-Rahim, qui comprend bien entendu Ar-Rahma, ça veut dire tout simplement Al-Mun'im. Celui donc qui donne les bienfaits, celui qui veut les bienfaits. Donc Al-Fi'l ici c'est Al-Mun'im, ou alors Iradat Al-Fi'l, Murid Al-In'am, celui qui veut donc le bienfait. Donc on voit bien que ça a rien à voir avec, ou alors ce n'est pas le sens du terme ou du nom d'Allah Azza wa Jalla Ar-Rahim, et ce qu'il comprend Ar-Rahma. فَنَقُولُ لَهُمْ أَرْرَحْمَةُ ثَابِتَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى بِالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ وَأَدِلَّةُ ثُبُوتِهَا أَكْثَرُ عَدَدًا وَتَنَوَّعًا مِنْ أَدِلَّةِ الْإِرَادَةِ فَقَدْ وَرَدَتْ بِالْإِسْمِ مِثْلُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصِّفَةُ مِثْلُ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ وَالْفِعْلُ مِثْلُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ. Donc ici le cheikh nous dit que Ar-Rahma, qui est bel et bien attesté dans le droit d'Allah Azza wa Jal, on peut l'attester par des preuves qui reviennent à la raison, sachant, nous dit le cheikh, que les preuves des textes prouvant donc cet attribut-là, elles sont très nombreuses et elles sont très variées, et encore plus nombreuses et plus variées que les preuves qui prouvent l'irada, la volonté, que bien entendu les Ash'ara ils ont attesté. Il nous a donné des exemples, donc on le retrouve par le nom, cet attribut on le retrouve par le nom Ar-Rahman et Ar-Rahim, bien entendu le nom il comprend l'attribut également, Sifa, c'est-à-dire l'adjectif, la caractéristique, wa rabbuka al-ghafur dhu-rahma, wa rabbuka al-ghafur dhu-rahma, c'est-à-dire et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde, donc celui qui détient la miséricorde. Yani Dhur Rahma, celui qui détient la miséricorde. Wal fi'l. Et l'acte, mithl, wa yarhamu man yasha. Donc le fi'l ici, c'est le verbe que l'on retrouve dans wa yarhamu. Wa yarhamu, c'est-à-dire, et fait miséricorde à qui lui. Wa yarhamu man yasha. Donc ici, par le nom, par as-sifa ou par al fi'l. Il nous dit le shi'r ensuite, wa yumkinu ithbatu bil 'aql, fa inna an-ni'am التي تثرى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. Donc le chef dit tout simplement que ce que l'on peut attester, c'est-à-dire qu'on va attester ici cet attribut de part ou de raison. On va dire que, et on va voir que an-ni'am, donc les bienfaits, que l'on voit, que l'on l'aperçoit chez les créatures, qui sont nombreuses, qui se manifestent chez les créatures, tous ces bienfaits d'Allah Azza wa Jal, une kulli wajh. Wan-ni'am, et également, tous ces malheurs qui sont ou qu'Allah Azzawajal qu'il protège ses créatures en les écartant de ses créatures à tout moment sont également une preuve de la miséricorde d'Allah Azzawajal et sont encore plus ces preuves là donc qui passent par la raison, elles sont encore plus claires et plus évidentes que les preuves qu'eux ont apportées concernant l'irada, c'est-à-dire donc la volonté. Car il nous a dit le shir que tout ce qu'on peut voir comme ni'an, tous ces malheurs également qui sont repoussés, il dit que cela, on l'aperçoit, l'ilkhas ou l'am, que ce soit donc de manière particulière ou de manière générale, contrairement donc à l'irada, qui n'apparaît que chez certaines personnes parmi les gens. Ensuite, il nous dit وَأَمَّا نَفْيُهَا بِحُجَّةٍ أَنَّا تَسْتَلْزِمُ اللِّينَ وَالرِّقَّةَ فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق وبهذا تبين بكلام مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أو خاصا. Donc il nous dit le shir pour ce qui est donc du fait qu'ils ont réfuté l'attribut de la miséricorde et qu'ils ont apporté comme preuve rationnelle qui revient à la raison que cela a impliqué al-lin ou al-riqqa, donc la douceur, alors on dit que si cela était que cette preuve-là, que cette argumentation, elle était vraiment droite, elle était plausible, alors on aurait pu dire la même chose pour ce qui est de l'irada, on aurait pu dire la même chose pour ce qui est de la volonté. Car la volonté, il nous dit l'iradatu mil al-murid, ou mil al-murid ila ma yarjubi husul manfa'a ou daf'u madarra. C'est-à-dire donc la volonté, c'est tout simplement le penchant de celui qui veut, vers quoi? Vers ce qu'il espère. Et ce qu'il espère se traduit donc soit par husul manfa'a, donc qu'il acquiert ce qui va lui être utile, un bienfait, ce qui va lui être utile, ou alors aoudafu madarra, ou alors repousser ce qui va lui être nuisible. Wa hadha yastalzim al-haja. Et cela donc implique quoi? Le besoin. Et bien entendu, dans le droit d'Allah Azzawajal, wallahu ta'ala munazzalun 'an dhalik. Allah Azzawajal est donc, ça ne rentre pas dans le droit d'Allah Azza wa Jal. Allah est élevé par rapport à cela. Yani al-hajj, le besoin. Donc on voit bien, à partir de ce moment-là, que l'irada, c'est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme al-rahma, c'est propre à Allah Azza wa Jal. Et comme il nous dit le shir, que ce qui est, ou ce qui comporte l'imperfection, c'est la volonté de la créature. Comme la miséricorde de la créature, elle implique l'imperfection. Donc à partir de là, comme il nous dit le shir, on voit bel et bien que leur madhab, le madhab al-Tartil, avec tout ce qu'il a, le shir répondu, donc avec toutes les réfutations qu'il nous a rapportées, sous tous les aspects qu'il nous a énumérés le shir et qu'il a expliqué, on s'aperçoit, comme il nous dit le shir, que cela est faux, que leur madhab est complètement faux et nul. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما que ce soit donc un تعطيل donc un reniement qui soit général ou alors خاص donc général pour ce qui est de tous les attributs comme l'ont fait donc المعتزلة ou alors pour tous les noms et les attributs comme l'ont fait الجهمية ou alors خاصا ou alors pour certains attributs comme l'ont fait الأشاعرة. Ensuite, il dit le shir wabihi ulima anna at-tariq al-ash'ara wal-maturidiyya fi asma'illah wa sifati wa mahtajju bihi lidhalika la tandafi' bihi shubah la tandafi'u bihi shubah al-mu'tazila wal-jahmiyya wa dhalika min wajhain. Qui va nous dire le shir ici? Et pourquoi il a dit ça le shir? Car il faut savoir que certains écrivains dans la science ou autres, certains ont dit que ceux qui ont réellement réfuté les ambiguïtés des Mu'tazila, ce sont Al-Ash'ara. Et que ce sont eux qui sont réellement, tamassaku yani, ce sont eux qui sont réellement attachés à la raison et également à Naql et au texte. Et en réalité, cette parole, c'est totalement faux. Et c'est ce qui va nous rappeler le shir ici. Que ce soit donc l'ambiguïté des Mu'tazila ou le Jahmiya. Ceux qui ont réellement réfuté, ce sont les gens de la Sunna, du consensus, non pas Al-Ash'ara. Et ici, il va nous prouver cela, le shir, sous deux aspects. Ahaduma annahu tariqun mubtadi' lam yakun 'alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa salaf al-ummah wa immatuha wal bid'atu la tudfa'u bil bid'ati wa innama tudfa'u bis sunnah. Na'am. Dans un premier temps, sachant que l'Ash'ara, c'est une voie qui est innovée, qui n'a pas été connue du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète n'a jamais été sur cette voie-là. Et non plus le salaf. Les prédécesseurs de cette communauté et non plus leur grand imam, et que al-bid'atu, l'innovation, ne la repousse pas par une autre innovation, mais on la repousse par la sunna. On repousse pas ce que eux ils ont soi-disant dit en réfutant, lorsque al-Mu'tazila ils ont renié tous les attributs et qu'ils ont voulu réfuter cela. Eux ils ont réfuté cela en utilisant une autre innovation, c'était d'attribuer à Allah certains attributs, ceux dont leur raison à accepter et réfuter le reste. Et comme il nous dit Cheikh, wa innama tudfa'u bis sunnah, c'est-à-dire donc que la bid'a, on la repousse par la sunnah uniquement, on ne repousse pas par une autre bid'a. Tayyib. Et à titre d'exemple, si on donnait un exemple, Yom al-Ashura, Tayyib, Yom al-Ashura, que ce jour donc que tout le monde connaît et qui est passé il n'y a pas si longtemps. Si maintenant les gens disaient, ce jour-là on va faire, pour réfuter une bid'a, qui est bien entendu bid'a al-Shi'a, ce donc qui montre aux gens un jour de détresse, en se frappant, etc. Tout le monde connaît ce que font les Shi'a. Si par exemple certaines personnes venaient et disaient donc pour repousser cette bid'a, on va ce jour-là faire une fête, ou alors on va donc faire apparaître la joie chez les gens, etc. Taïd. Qu'est-ce qu'on va leur répondre? On va leur répondre que cela c'est faux. On ne peut pas, en repoussant une bid'a, faire un autre bid'a. On va la repousser comme il est le shir par une sunna, c'est-à-dire en appliquant ce jour-là exactement ce que faisait le prophète sur le sein et les compagnons et tous les salafs de cette umma. Taïb. Donc ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect nous dit الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوا على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوا على أهل السنة فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي فلنا عقول كما أن لكم عقولا فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم الصائبة وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. وهذه حجة دامعة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشاعرة والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيض عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Donc ici, le cheikh tout simplement, il va nous dire que Al-Mu'tazila ou Al-Jahmiya, ils peuvent très bien répondre donc à Al-Ash'ariya, soit ceux qui soi-disant ont réellement réfuté Al-Mu'tazila ou Al-Jahmiya, et qu'ils disent donc que ce que vous avez donc réfuté, c'est-à-dire bien entendu Al-Ash'ariya, ils ont réfuté, on va dire la plupart des attributs d'Allah Azza wa Jalla. Ils peuvent donc très bien dire لقد بحثتم لأنفسكم نفيا ما نفيتم من الصفات بما زعمتم دليلا عقليا أولتم دليلا السمع. C'est-à-dire donc ce que vous avez attesté vous, c'est par rapport à votre raison. La preuve de cet attribut, vous l'avez ensuite interprété de par as-sam, donc en passant donc par le texte. Donc ils vont leur dire فلماذا تحرمون علينا نفيا ما نفينا بما نرى دليلا عقليا. C'est-à-dire pourquoi donc vous allez nous interdire à nous, bien entendu ici le fait d'avoir renié tous les attributs d'Allah Azza wa Jal, du fait que nous, on voit qu'il y a bel et bien une preuve de par la raison, de renier donc cet attribut-là, ou ces attributs. Et que donc nous interprétons sa preuve donc venant du texte. Enfin, ils vont leur dire, فَلَنَا عُقُولْ كَمَا أَنَّ لَكُمْ عُقُولًا. Donc nous avons des raisons comme vous avez des raisons, des façons de penser, des intelligences. Et donc, فَإِنْ كَانَتْ عُقُولُنَا خَاطِئَةً فَكَيْفَ كَانَتْ عُقُولُكُمْ سَائِبَةً. Si donc nos raisons sont dans l'erreur, comment les vôtres sont dans le juste. وَإِنْ كَانَتْ عُقُولُكُمْ سَائِبَةً فَكَيْفَ كَانَتْ عُقُولُنَا خَاطِئَةً. Donc l'inverse. وَلَيْسَ لَكُمْ حُجَّةٌ فِي الْإِنْكَارِ عَلَيْنَا سِوَى مُجَرَّدَ التَّحَكُّمِ وَاتِّبَاعِ الْهَوَى. Et donc vous pouvez avoir de preuves sur le fait de renier ce que nous faisons, sinon suivre la passion, uniquement suivre la passion. Et comme il dit le chien, ça c'est une preuve donc claire et forte. Ils aiment le sahih, et le fait donc de leur démontrer que ce qu'ils ont, que leur croyance donc implique également ce qui était cité auparavant. Donc on voit bien à partir de là, comme il nous a dit le Cheikh, qu'il n'y a pas d'autre voie et qu'on ne peut réfuter réellement tous ces madhabs, et plus particulièrement Al-Mu'tazila ou Al-Jamir, sinon en passant et en appliquant le madhab de Al-Sunnati ou Al-Jama'a, comme il nous dit le Cheikh. Ceux qui donc attribuent à Allah Azza wa Jalla ce qu'il s'est attribué. Taïb, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attribué à son Seigneur. Sans comme nous dit le Cheikh, la tanfila fi ou la takif, c'est-à-dire sans qu'il y ait d'anthropomorphisme, ou alors de comprendre, d'expliquer le comment des attributs. Ou tanzihan, et ils ont donc élevé Allah Azza wa Jal de tout défaut, sans tomber dans la tartil, sans tomber donc dans le fait de renier les attributs d'Allah Azza wa Jal, ou alors la tahrif, le fait d'altérer les textes comprenant les attributs et les noms d'Allah Azza wa Jal. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Donc celui dont Allah Azza wa Jalla ne lui donne pas, ne passe pas en lui une lumière, alors il n'y aura aucune lumière. Subhanallah. Ensuite le shir, il va faire une remarque ici, tanbih. علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل أما التعطيل المعطل فالظاهر وأما التمثيل فلأنه إنما عطل لاعتقادي أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما التمثيل الممثل فالظاهر وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفات حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل وإنما يدل على صفات تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نفس يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. Donc il nous dit le Cheikh, comme on l'a vu auparavant, c'est que tout mu'attil wa mumathil. C'est-à-dire que toute personne qui a renié les attributs d'Allah Azzawajal, c'est en réalité mumathil, celui qui est tombé dans l'anthropomorphisme. Wa kullu mumathil mu'attil. Et toute personne donc qui a fait preuve d'anthropomorphisme, donc l'anthropomorphisme, il est également mu'attil. Il est donc tombé également dans le reniement, renier les attributs d'Allah Azzawajal. Il va nous expliquer cela, le Cheikh. Donc il va nous dire pour ce qui est de Al-Mu'attil. Comment ça se fait qu'on dit que Al-Mu'attil, il est Mu'attil? Pourquoi il est Mu'attil, Mu'attil? Tout simplement parce que Al-Mu'attil awwalan mathala. Et n'am, ça c'est précis. C'est-à-dire que, comme on l'a vu auparavant, celui qui a renié les attributs d'Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il a fait dans un premier temps dans son esprit, dans sa raison à lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ou à mathala. C'est-à-dire qu'il s'est dit, ces attributs-là, en réalité, si je les atteste, je tombe dans l'anthropomorphisme. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Et comme il l'a compris, il est tombé à ce moment-là dans l'anthropomorphisme. Car il s'est dit, ces textes-là, en réalité, si on les prend en apparence, ils vont tout simplement prouver l'anthropomorphisme. On va tomber donc dans l'anthropomorphisme. Donc qu'est-ce qu'il a fait dans une première étape? Mathala, comme il a dit le chef. Comme il a dit, فَمَثَّلَ أَوَلًا وَعَبْطَلَ ثَانِيًا. Donc ensuite, la deuxième étape, pour éliminer ce tamthil que lui, il croit, Taïb, qu'est-ce qu'il a fait? Attala, c'est-à-dire qu'il a renié ensuite les attributs pour s'écarter de cela, comme on l'a vu auparavant. Donc, dans ce sens-là, il est tombé dans le tamthil, fawa mumathil, kul mu'attil mumathil. Taïb. Et également, lorsqu'il est tombé dans le ta'til, lorsqu'il a renié les attributs d'Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé fi at-tanaqqus fi haqqi Allah Azzawajal. Yani, mathalahu bin naqis. C'est-à-dire donc, lorsqu'il a renié les attributs d'Allah, qu'Allah il a dit qu'il n'entend pas, qu'Allah Azzawajal il ne voit pas, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc tout simplement fait comparaison avec l'imperfection des créatures. On sait donc qu'une créature, lorsqu'elle n'entend pas, lorsqu'elle ne voit pas, c'est une créature, par rapport à son droit à elle, qui est imparfaite. Donc eux, ils sont tombés dans ce tamthil ici. C'est qu'ils ont comparé Allah subhanahu wa ta'ala en reniant ces attributs-là, ils l'ont comparé à cette créature qui est naqis, qui est imparfaite. Ayadan billah. Ça donc, c'est une wujou al-tamthil inda al-mu'attilin. Al-an yaqul wa kullu mumathil mu'attil. Également, toute personne qui est tombée dans l'anthropomorphisme, il a également fait preuve de ta'til. C'est-à-dire donc qu'il est en réalité également une personne qui a renié les attributs mu'attil. Il nous dit pourquoi, et cela souvent de trois aspects. Le premier, il nous dit le shir, c'est qu'il a renié le texte même où Allah Azzawajal a attribué son attribut. Comment cela? Il nous dit حَيْثُ جَعَلَهُ دَلَّنَ عَلَى تَمْثِيلٍ مَعَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى صِفَةٍ تَلِيقُ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَ. C'est tout simplement qu'il a, celui qui est tombé dans l'anthropomorphisme et qui dit par exemple qu'Allah Azzawajal voit comme nous nous voyons, qu'Allah Azzawajal voit comme nous nous voyons, qu'il entend comme nous nous entendons, qu'il a une main comme nous nous avons une main, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement renié le texte même. Pourquoi? Parce que, il nous dit le shir, il l'a rendu, ce texte-là, indiquant ce que le texte lui-même n'a pas indiqué. Donc il a renié le sens du texte, le sens même du texte. Il a renié donc le sens apparent même du texte, comme on l'a vu auparavant. Car il a renié à ce moment-là l'attribut qui était propre à Allah Azzawajal. Son attribut qui était propre à Allah Azzawajal, qui ne ressemble dans cet attribut à aucune de ses créatures. Donc ça, il l'a renié, Al-Mumathil. De même, il nous dit le Cheikh Al-Thani, le deuxième aspect du fait qu'il est tombé fi at-ta'til, car il a renié tout texte, yadullu al-nafi al-mumathala, tout texte donc qui prouve qu'Allah Azzawajal ne ressemble à personne d'autre parmi ses créatures, qui ne ressemble à rien parmi ses créatures, Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le verset, il s'est dit, fa'um attalu hadhihi al-ayah. Donc ils ont réfuté ou ils ont renié ce verset et ce qu'il indique de façon claire et évidente. Et ensuite le troisième aspect, annahu attala Allah ta'ala an kamalihi al-wajib. Donc ils ont renié en réalité le droit d'Allah Azzawajal, et ce droit là qui est d'attester la perfection pour Allah subhanahu wa ta'ala, la perfection qui est obligatoire dans le droit d'Allah azawajal, حَيْثُ مَثَّلُوا بِالْمَخْلُوقِ النَّاقِسِ, du fait donc qu'ils l'ont fait ressembler à la créature qui est elle imparfaite. Au moment donc qu'ils l'ont fait ressembler à la créature qui est elle imparfaite, ils ont renié donc le droit d'Allah azawajal qu'il avait, et qui est ici bien entendu Al-Kamal, qui est donc la perfection comme on l'a vu. Donc on voit comment en réalité Al-Mu'attil wa Mumathil, comment Al-Mumathil wa Mu'attil. Ça donc, Inch'Allah, on a terminé pour ce chapitre-là, qui est donc le troisième chapitre, qui concernait Qawa'id fi Adillati al-Asma wa Sifat, donc des règles concernant les preuves, des noms et des attributs. Donc on a terminé ce troisième chapitre, après avoir terminé bien entendu les règles concernant les noms d'Allah, ensuite les règles concernant les attributs, et donc les règles concernant les preuves, des noms et des attributs. Et ici, le shirk, il va rentrer donc dans un nouveau chapitre. Il n'a pas de nom, mais il s'appelle Fast, c'est-à-dire donc c'est un nouveau chapitre. Et c'est un chapitre ici qui va être très très important. En vérité, ici, ça va être tout simplement mettre en évidence et réfuter les ambiguïtés avec lesquelles sont venus les gens de l'innovation. Taïb. Et plus précisément, lorsque les gens de l'innovation, ils parlent par rapport aux noms et des attributs, bien souvent, et c'est leur méthode, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec des exemples bien précis du Coran et de la Sunna. Taïb. Et ils disent donc, regardez, si vous maintenant vous attestez cet attribut de manière apparente, regardez maintenant ce que cela va impliquer. Et à partir de là, ils commencent leur ambiguïté et ils commencent à mettre le doute chez les gens de la bonne croyance. C'est leur méthode, c'est ce qu'ils font. Et ici le shir, il va nous donner plus d'une vingtaine d'exemples. Plus d'une vingtaine d'exemples. Des versets, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant donc les attributs. Ou alors en réalité qu'ils ne sont pas, ou qu'ils ne font pas partie des attributs, comme on va le voir. Et donc le shir, il va avoir ici une méthode qui va revenir à détailler pour chaque texte. Et pour ce qui est de la première méthode, c'est une méthode qui va être donc dite générale, c'est-à-dire un rad, plus précisément une réfutation qui va être dite générale et qui va s'appliquer donc ensuite à tout le reste. Donc il va y avoir une réfutation qui est dite générale, que l'on va retrouver, qui va s'appliquer à chaque texte concernant les noms et les attributs. Et ensuite, bien entendu, ce qu'on dit réfutation des ambiguïtés que les gens de l'innovation ont élaborées et apportent pour donc réfuter la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Donc le shir, il va réfuter de manière générale et ensuite par détail, en prenant exemple par exemple. Il nous dit le shir, اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات. اعلم أن بعض أهل التأويل. Le shir, en réalité, il a dit ici, sache que certains parmi les gens de التأويل, de l'interprétation. Et en réalité, le shir, pour ce qui est du terme At-Ta'wil, lui-même il revient dans certaines de ses explications qu'il donne de ce livre, et il dit le mieux, et c'est ce qu'il fallait mettre, c'était Al-Tahrif, c'est-à-dire les gens de l'altération. Ce ne sont pas en réalité les gens de l'interprétation, mais on l'a vu auparavant ce terme At-Ta'wil, mais c'est en réalité les gens de l'altération. Donc le mieux, comme il dit le shir, c'était de mettre I'lam anna ba'd al-Tahrif, c'est-à-dire sache que certains parmi les gens de l'altération et non l'interprétation. Et on va voir que At-Ta'wil, en réalité ce terme At-Ta'wil, c'est un terme qui est utilisé lorsqu'on parle du tafsir du Coran, sachant qu'un des, même celui qui est considéré comme l'imam des mufassirin, de ceux qui ont interprété le Coran, et qui est Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, on va voir que lorsqu'on ouvre ce grand tafsir, un des plus grands tafsirs qui a été écrit, on va s'apercevoir qu'il dit à chaque fois fata'wilu hadhihi al-aya, c'est-à-dire donc l'interprétation de ce verset. Il va prendre le terme ta'wil. Donc ici ta'wil, bien entendu, c'est bimarna tafsir. Bimarna tafsir. Donc on voit que ta'wil, il est utilisé par les gens de la sunna du consensus. Mais comme on dit, ce terme il est utilisé à bon escient. Et il veut dire At-tafsir, c'est-à-dire l'explication qui est donnée. On interprète, on explique le verset. On interprète, on explique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour ce qui est de ce terme ta'wil, le mieux c'est d'utiliser lorsqu'on parle des gens de l'innovation, le terme tahrif, ou al tahrif, ceux qui ont en réalité altéré, ils n'ont pas expliqué, ils n'ont rien interprété, mais ils ont altéré. Mais bien entendu, lorsqu'on dit al ta'wil, on comprend bien entendu, al-ta'wil, c'est-à-dire l'interprétation, la mauvaise interprétation. La mauvaise interprétation qui a été faite. À la kulli hal, on pourrait dire al-ta'wil al-fasid, c'est sous-entendu. Lorsqu'il dit le shir maintenant al-ta'wil, bien entendu sous-entendu al-ta'wil al-fasid. Donc il dit le shir, i'alam, anna ba'd ahli al-ta'wil, awrada al ahli sunnah, shubhatan fi nususi min al-kitab wa sunnah fi sifat. ادعى ان اهل السنه صرفوها عن ظاهرها ليلزم اهل السنه بالموافقه على التاويل او المداهنه فيه وقال كيف تنكرون علينا تاويل ما اولناه مع ارتكابكم لمثله فيما اولتموه الشيخ سيفا nous dire que donc ces gens اهل التحريف ils ont rapporté certaines ambiguïtés pour contrer les gens de la sunna, pour soi-disant contrer les gens de la sunna. Bien entendu ici, à propos des textes du Coran et de la sunna concernant les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Ils ont prétendu que les gens de la sunna ont fait dévier le sens de ces textes-là, ils les ont fait donc dévier de son sens apparent. Ils les ont fait dévier de son sens apparent. Afin, dans quel but ? Yulzima ahl sunnati bil muwafaqati ala ta'wil aw al mudahanati fi. Afin donc que les gens, donc pour qu'ils obligent les gens de la sunna à accorder ou à accorder à ces gens-là, les gens d'innovation, l'authenticité de leur interprétation. Al-ta'wil. Ou al-mudahana tifi. Ou alors al-mudahana. Al-mudahana qui vient du terme al-duhn. Al-mudahana qui vient du terme al-duhn. Et qui est en vérité l'in al-qasi. Donc al-duhn qui est le fait donc de rendre une chose qui est dure, de la rendre molle ou alors de la rendre douce. Taïb, ça c'est As Kalimat al-Mudahana, vient du terme al-duhn. Et donc, ici, qui est tout simplement le fait de dire on se tait par rapport à ce que vous avez dit et vous vous taisez par rapport à ce qu'on a dit. C'est-à-dire, ne vous faites pas de réfutation par rapport à nous, ce qu'on a interprété, on ne fait pas de réfutation par rapport à vous, ce dont, soi-disant, vous avez interprété et vous avez donc fait dévier de son sens apparent, soi-disant. Et on va voir ici, bien entendu, d'après tous les textes que le chef va nous citer, que c'est strictement faux. Exemple par exemple, hadith par hadith, ou verset par verset. Et bien entendu, ils vont leur dire, donc, waqal kayfatun kirun alayna, c'est-à-dire comment vous pouvez donc réfuter, ou réfuter notre interprétation que nous avons fait, alors que vous avez fait la même chose pour ce qui est d'autres textes de la sunna du Coran. C'est-à-dire que vous avez interprété, donc, quel est votre droit uniquement? Voilà quel est le droit que vous avez pris alors que vous nous interdisez de faire cela. Donc ici le shirk, bien entendu, ici c'est un des moyens qu'ils ont utilisé les gens de l'innovation pour faire dévier donc les gens de leur méthode, pour faire dévier les gens de la sunna, de la croyance des gens, de la sunna du consensus, de la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la croyance des sahaba, de la croyance des salaf, pour donc qu'ils reviennent leur croyance à eux, qui est basée, comme on l'a dit, sur al-aql, qui est basée donc sur la raison. Donc il nous dit le shir, wa nahnu nujibu bi'aunillahi an hadhi shubha bi jawabain mujmal wa mufassal. Mujmal wa mufassal. Donc pour ce qui est du mujmal, comme on l'a dit, il va donc répondre le shir à cette ambiguïté par deux réponses. Donc celle qui est mujmal, c'est-à-dire c'est celle qui va donc englober toutes les questions qui sont relatives donc au texte concernant les noms et les attributs. Et ça bien vu, c'est très très utile. Cela est très utile pour At-Talib al-Ilm, pour l'étudiant en sciences. Ça, c'est très utile qu'ils connaissent donc cette règle-là, cette réponse, et qui est en réalité une règle qui va pouvoir s'appliquer à tout ce qui vient comme texte, et par lesquels donc les gens d'innovation infiltrent leur ambiguïté. Wa mufassal, nilikulli masala. Mufassal, c'est-à-dire qui va ensuite être elle détaillée, c'est-à-dire donc pour toute question, c'est-à-dire pour tous les textes ensuite que le shir qu'il va représenter. Wa taban ablaghu fi ifham al-khasm. C'est donc ici, c'est plus fort et c'est plus clair, c'est plus explicite pour réfuter celui qui va être en désaccord avec les gens de la sunna. Taïb, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on commencera bi idhnillah au cours prochain la première question qui est Al-Mujmal, et ensuite pour ce qui est de Al-Mufassal, on commencera par le premier, ensuite le deuxième, etc., tous les exemples qu'il nous a donnés. Pour ce qui est donc des exemples que le cheikh va commencer ensuite à détailler, il reviendra donc sur soi-disant une parole de l'Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, qui l'a dit à propos de l'imam Ahmed, soi-disant que l'imam Ahmed, il a interprété trois hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant donc les attributs, comme l'a rappelé Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Ici, le cheikh donc, il va réfuter cela par rapport à l'imam Ahmed, que l'imam Ahmed n'a jamais fait cela par rapport à ces trois hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'ensuite, bien entendu, le shir, il va détailler pour chaque hadith et comment on va les comprendre, ces hadiths, suivant leur apparence et en revenant, bien entendu, à la langue arabe. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.